Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée Syrie. Alors pourquoi ? Parce que, par reparler un petit peu de ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, parce que les médias sont plutôt avares d'informations, à part des articles dans Libération, je ne vois pas beaucoup réagir par rapport à une situation qui est dramatique, ne l'oublions pas, en Syrie. On préfère parler à longueur de temps du coronavirus, enfin du Covid-19, puisqu'on sait maintenant nommer ce virus aux yeux jaunes. Et je le disais dernièrement, bon, c'est souvent un arbre qui cache sa forêt, c'est-à-dire qu'on ne veut pas parler, ou on parle peu, du problème syrien aujourd'hui. Alors j'ai découvert dans Libération un article sous la plume de Jérémy Berliou, qui est envoyé spécial à Rendi, la province de Hatay, en Turquie. Malgré son sourire, Ahmed Abo, un Syrien d'origine d'Alep, n'arrive pas à cacher son anxiété. Assis sur son lit, dans un des dortoirs d'un centre de réhabilitation à Reyhanlı, une ville turque frontalière de la province d'Idlib, en Syrie, il n'a de cesse de penser à sa famille. Lui est en Turquie pour soigner un cancer, sa femme et ses enfants, terre dans un magasin converti en logement dans la ville syrienne de Sarmada, à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Entre les deux, un mur délimitant une frontière entre la sécurité et l'une des pires catastrophes humanitaires d'une guerre qui a tué déjà 500 000 personnes et déplacé la moitié de la population du pays en 9 ans. J'ai 5 enfants. Je ne peux pas travailler à cause de mon cancer. Ma femme non plus. J'essaye aussi d'aider les 5 enfants de mon frère tué il y a un an. C'est trop dur à supporter. Cela manne-t-il. Il s'estime pourtant chanceux. Après que le régime syrien a lancé en décembre une offensive brutale contre la région rebelle d'Idlib, la dernière à lui échapper, 1 million de personnes ont été jetées sur les routes, ballottées au gré des bombardements indiscriminés et de l'aide que peuvent apporter les organismes humanitaires. Sur l'échelle de l'horreur qui frappe Idlib, d'autres sont beaucoup moins bien lotis. Abdoul Monem Samadi et sa famille vivent à Tarib, à l'ouest d'Alep. Il y a 3 semaines, les aviations russes et syriennes se sont acharnées toute une nuit sur cette localité. C'était l'apocalypse, décrit-il. Nous avons fui en courant, sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Nous sommes réfugiés dans un camp de déplacés à Sarmada. Le lendemain, il a pu passer seul en Turquie pour des raisons médicales. Un système de laissez-passer permet aux Syriens, ne pouvant être soignés à Idlib, de recevoir des soins gratuits en Turquie. Sa famille a dû cependant fuir à nouveau les bombardements quelques jours plus tard, n'emportant que quelques couvertures, de quoi construire un abri sous un olivier à Deir Hassan, au milieu d'un archipel de camps qui accueille des centaines de milliers de personnes. Depuis la fenêtre de son dortoir, Abdoul Monem Samadi voit des collines où ses enfants et sa femme sont réfugiés. Il y neigeait encore lorsqu'il est arrivé à Rendi. C'est un sentiment horrible, c'est trop douloureux de ne pas être avec ma famille, raconte-t-il, sans un sou, juste doté d'une tente et d'un réchaud. Celle-ci est désormais totalement dépendante de l'aide humanitaire pour survivre. La plupart des civils déplacés vivent dehors, à la merci du froid, des intempéries et des bombes. Ils s'abritent où ils peuvent, sous des arbres, dans des grottes, dans des carcasses de véhicules. À l'intérieur et en dehors des camps, la solidarité existe. Mais elle a ses limites. Tout le monde là-bas n'a pas les moyens d'être solidaire, regrette Ahmed Abo. les prix augmentent et les pénuries se multiplient. À Idlib, un sachet de pain coûte 400 livres syriennes, 0,70 euros. Et ma famille restée là-bas a besoin de 4 par jour, explique Lumma, une Syrienne aussi logée au centre de réhabilitation de Re'anli. Depuis la Turquie, elle essaye d'obtenir l'asile dans un pays tiers pour pouvoir soigner son fils, Amro, 8 ans. Il a perdu la vue en août 2013 lors de l'attaque à l'arme chimique de la Ghouta, en banlieue de Damas. Un crime de guerre commis par le régime de Bachar el-Assad. En attendant, elle envoie tout ce qu'elle peut de l'autre côté de la frontière pour aider sa famille. Je suis comme déchiré entre vouloir être avec les miens et rester ici pour sauver mon fils. Côté turc, des particuliers aident comme ils peuvent. Ceux qui ont l'autorisation d'aller en Syrie essayent de distribuer des produits de première nécessité et de l'argent. Des hommes d'affaires syriens basés en Turquie mettent aussi à contribution leur réseau, notamment logistique. Ils aident à la construction de camps, envoient des équipes de travailleurs ici et là. Depuis son bureau de la banlieue d'Antakya, la capitale de la province turque de Hatay, un entrepreneur syrien qui souhaite rester anonyme dénonce aussi les ravages causés par le gouvernement du salut. Ce gouvernement fantoche a été mis en place à Idlib par le Hoya Tahrir el-Sam, lorsqu'il a pris le contrôle quasi intégral de la région à l'été 2018. Avant le HTS, la Chambre syrienne libre de commerce d'Idlib aidait les personnes évacuées, faisait des donations. Quand HTS a pris le pouvoir, nous avons cessé d'organiser des campagnes de solidarité, explique-t-il. En cause, le système de prédation économique, voire de pillage, mis en place par l'organisation djihadiste. Face à l'ampleur de la crise et à l'envoi massif de troupes de l'armée turque, le HTS fait aujourd'hui le profit bas. De leur côté, les organisations humanitaires sont sur tous les fronts. Sur le million de personnes déplacées, l'écrasante majorité vit sous des tentes, chez des proches ou dans la nature, explique Fouad Sayed Issa, le fondateur de l'ONG Violette, basée à Antakya. Ses équipes, dont la moitié a été déplacée par les combats, sont dispersées et le moral est en berne. Certains de ces volontaires ont dû mettre à l'abri leurs proches, qu'ils n'ont pas vus depuis des semaines. Lui-même ne cache pas son abattement. La priorité absolue, c'est de faire cesser cette violence une fois pour toutes. Ensuite, on pourra faire notre travail humanitaire, explique quant à lui Mustafa Ouzbek, le coordinateur média de la Fondation pour l'aide humanitaire, IHH, proche du gouvernement turc. Elle a lancé avec d'autres organisations le soutien d'hommes d'affaires, la construction de 10 000 abris en briques et toits en plastique, de quoi protéger des rigueurs du climat une partie des civils. Les ONG tournent à fond pour fournir repas, rations alimentaires, vêtements, chauffage, etc. Les écoles et les mosquées ont été transformées en centres d'hébergement de secours. Nous avons les capacités logistiques et la main-d'œuvre. Ce qui manque, c'est un soutien financier. C'est ce qu'explique Fouad Sayed Issa. Selon l'ONU, 500 millions de dollars, 440 millions d'euros, sont requis pour répondre à l'urgence. En début de semaine, les États-Unis ont promis 100 millions. Le reste est encore à trouver. Le poids de l'aide humanitaire repose en particulier sur la Turquie, qui compte déjà 4 millions de réfugiés sur son territoire. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne doivent venir travailler avec Ankara pour trouver une solution, s'agace quant à lui Mustafa Ouzbek. Or, depuis plusieurs années, l'Union européenne et les États-Unis se sont désintéressés du sort d'Idlib, et de ses millions de déplacés, laissant la Turquie seule face à Damas et Moscou et face au risque d'un nouvel exode des Syriens. Pour les civils, hors de question de se retrouver à nouveau sous la botte de Bachar el-Assad. J'ai travaillé à Alep, les ONG. Ma femme était enseignante. Pour le régime, nous sommes des terroristes, explique Ahmed Abo Areyali. Il craint d'être arrêté, torturé et tué si le régime capture sa famille. Idlib est le dernier refuge pour la plupart des populations déplacées au fur et à mesure de la reconquête du pays par l'armée syrienne. Voilà, alors on ajoute là-dessus des vidéos vraiment glaçantes. Le cessez-le-feu signé entre Moscou et Ankara, jeudi soir, ne change guère la situation. Damas cherche une solution militaire au conflit et le retour de la région dans le giron d'Assad soit violent ou pacifique. Des représailles seront certainement exercées. Récemment, des vidéos glaçantes circulaient sur Internet, exhibant des soldats du régime en train d'assassiner des civils et de profaner des tombes. Durant toute leur offensive, Damas et Moscou n'ont pas hésité à commettre ce qui pourrait être qualifié de crime de guerre pour briser le moral des civils et des combattants. Des deux côtés de la frontière, l'état d'esprit des Syriens et de leur soutien fluctue en fonction des nouvelles du front et du nombre de victimes des bombardements. Le cessez-le-feu est accueilli avec soulagement, mais ne résout pas le conflit à long terme. Voilà, pour faire un peu le point quand même sur la situation en Syrie, parce que je regrette quand même, nous, les Européens, les États-Unis, on fait preuve d'une lâcheté vraiment repoussante par rapport aux problèmes syriens et on pliait devant un dictateur soutenu par Moscou, hein, qui a fait déjà 500 000 morts. Bon, on peut mettre dans les 500 000 morts quand même des victimes de Daesh, c'est vrai, mais il y a bien 400 000 morts par le régime syrien qui a fait un véritable génocide pour son peuple. Alors, parler du coronavirus, c'est bien, il faut peut-être en parler, mais en attendant, on oublie tout le reste, et puis des dictateurs comme Assad, eh ben, il tue son peuple, et puis il tue une partie de son peuple en toute impunité. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, il faut parler quand même de ce qui existe à travers la Terre, et puis on est tous sur la même planète. Je vous laisse méditer au cours de cette journée, donc, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.